télé, j'ai pas grandi avec, autant te le dire dès le début, comme ça au moins ça sera net. Je ne suis pas un enfant du petit écran, merci à mes parents, j'ai construit ma vie sans. Pour beaucoup trop pourtant, elle est la mère nourricière, et pendant qu'elle fonctionne, ils sont priés de se taire. Attaquer des berceaux par les couleurs fluo, les dessins animés ont rempli leur cerveau. Il paraît qu'elle propage la sagesse universelle de Monsieur Universal. Tu es bien accroché devant le poids des images, de scandales en carnage, jamais sans gilet pare-balles. Écoutez ces vieux singes qui se prennent pour des sages, ça se croit déjà au top à l'heure de la retraite. J'suis désolé pour eux, attention à l'atterrissage, mais la France de ma rue, c'est pas eux qui la reflète. Télévision, telle en est ma vision. Télévision, telle en est ma vision. Ils nous créent des héros, des soi-disant artistes. Quand ils chanteront pas faux, j'y croirais, mais c'est triste. Quand on sait qu'il a plein de bons musiciens, qui va 10 000 fois mieux que tous ces académiciens. Démagogie auditive, il faut plaire à tout le monde, mais écouter de la soupe, ça va bien 5 secondes. N'as-tu donc pas compris que leur but c'est la folie? Où est la vraie musique faite avec cœur et envie? Télévision, telle en est ma vision. Télévision, telle en est ma vision. Pour les récidivistes, on est tous potentiellement les prochains sur la liste, à s'abreuver des immondices des médias magazines, vivre par procuration et leur offrir nos esprits.